By that look in your eyes. Donc tout de suite sur Radio Dio, c'est Kiyukwa. Bon, c'est la troisième fois, là on va réessayer. J'espère que les lecteurs CD vont pas me faire des blagues comme sur les deux essais d'avant. Donc c'est parti, Kiyukwa sur Radio Dio. Eh ben si, ils ont l'air de vouloir me faire des blagues. Ah non. Si, bon. Donc, roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller vous coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Et puis, on va se passer du générique pour cette fois-là. Donc, bienvenue dans la 17e émission de la deuxième saison de Qui ou quoi sur Radio Dio. Ça commence très très fort. Ce soir, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous parler de trois livres, je vais vous parler juste de deux livres, un roman et une bande dessinée. Le roman, ce sera dans la droite lignée d'une émission qu'on a fait cette année avec mon compère Vincent, qui parlait de la Vespasienne de Sébastien Rutès. Cette fois, donc, dans la droite lignée de ça, ça va être Likaya de DOA, sorti à la série noire de Gallimard. Et ce sera la saga de Grimr, ou Grimr, une BD dans le nord islandais, qui se déroule dans le nord islandais. Paru chez Delcourt, donc une BD, un livre, deux univers bien différents. C'est ce soir dans Qui ou quoi, et c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler ce soir, donc, c'est Likaya, et l'auteur s'appelle DOA. Donc je prendrai le temps un petit peu par la suite de vous raconter l'histoire, de revenir un peu sur le parcours de l'auteur et puis vous dire un peu ce que j'en ai pensé et essayer de vous donner envie de le lire. Donc l'histoire de Likaya, c'est en fait c'est une espèce de polar. C'est l'histoire du loup. Le loup étant un homme complètement défiguré suite à un incendie, dont l'activité principale, le travail si on peut dire, c'est d'être chirurgien à la demande dans un monde underground, le monde du SM hardcore. Mais vraiment, vraiment hardcore, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous faire couper un doigt ou de vous faire filmer en train d'avoir une opération chirurgicale, c'est à lui que vous faites appel. Et donc c'est l'histoire de cet homme qui va opérer un autre homme. Et le loup donc va découvrir que l'homme qu'il a opéré au tout début du livre s'est fait tuer. Et en fait, il va partir un peu à la recherche de la compréhension de pourquoi cet homme s'est fait tuer. Une espèce d'enquête, c'est le côté un petit peu polar du livre. Donc ça, c'est vraiment juste le prétexte du début. Donc un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, qui parle beaucoup beaucoup de pratiques SM, et écrit par DOA. Alors DOA est connu des amateurs du polar, c'est un écrivain français. DOA d'abord c'est un acronyme, c'est pas son nom, hein. Il s'appelle pas non plus DOA, c'est DOA vraiment. C'est un acronyme de plusieurs trucs anglais, c'est « ou dead on arrival » en anglais, qui veut dire en fait, qui désigne les personnes... toutes les personnes qui ont eu un accident ou quelque chose comme ça et qui arrivent à l'hôpital et qui sont mortes à l'arrivée en fait. Donc DOA, Dead on Arrival, c'est aussi accessoirement un film noir qui a influencé beaucoup de monde sur une personne qui enquête sur sa propre mort. C'est aussi l'acronyme de Dead or Alive, donc mort ou vif, comme dans tout bon western qui se respecte, le héros pouvait être recherché et mort ou vif, voilà, pardon. Donc c'est l'acronyme qu'a choisi cet écrivain, et c'est un peu tout un programme quant à ce qu'il va nous raconter. DOA, c'est en fait un ancien militaire qui œuvre en tant qu'écrivain, qui n'est plus dans l'armée, et qui œuvre en tant qu'écrivain depuis 2007. Il est connu en fait pour une série de livres, il est connu dans le monde du polar pour une série de livres qui forment un cycle qui s'appelle le cycle clandestin. C'est quatre livres, donc c'est Citoyen clandestin, Le serpent aux mille coupures et Pucto Pouctou, Primo et Segundo. Donc ce cycle clandestin qu'il a fait connaître, qui est une sombre histoire de services secrets français dans des pays en guerre, qui est notable surtout pour en fait sa retranscription des arcanes du pouvoir, des arcanes des services secrets, des conflits, donc avec tout cela, avec précision et crédibilité dans tout ce qui est décrit, avec un, soutenu par un gros travail de documentation. Donc cette documentation qui est la patte de DOA. L'Ikaya, c'est pas du tout la guerre et les barbouzes. Là, on n'est pas du tout sur ce créneau de livre noir. Ici, c'est le sexe, donc, et plus particulièrement, le sexe et la douleur. La feuille de route, en fait, que DOA donne pour son livre, c'est simple, c'est qu'il... En fait, ce qu'il voulait faire avec ce livre, c'était qu'il voulait comprendre pourquoi, à un moment, je le cite, hein, « Je voulais comprendre pourquoi, à un moment, on éprouve le besoin de mettre de la douleur dans le sexe. » C'est ce que lui, il dit. Donc, de fait, est-ce qu'il va réussir à nous le faire comprendre ? En fait, le rapport à ce livre, il est très compliqué. Enfin, en tout cas, mon rapport à ce livre, il est un peu compliqué, et je vais essayer de vous le livrer tel quel, pour que vous compreniez ce que ce livre m'a fait, et pour éventuellement vous donner envie de le lire. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a une part de voyeurisme et une grosse part de confrontation, enfin, vraiment de ce que ça nous fait, de nos confrontations internes, enfin, de nos sentiments vis-à-vis de ces extrêmes. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, pour le côté voyeur, on est bien servi. Toute la première partie du livre est un enchaînement de scènes SM bien hardcore. On y apprend déjà toutes sortes de pratiques. Bon, il y en a qu'on connaît déjà un petit peu, et il y en a vraiment plein d'autres qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, c'est un détail, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu besoin d'un dictionnaire pour comprendre un livre, tant l'auteur utilise des mots que je n'avais pas dans mon vocabulaire. Faut croire que je n'étais pas si ouvert d'esprit que ça. Je profite de l'accès à l'antenne de Radio Dio pour partager justement un petit peu tout ce que j'ai appris, parce que ça m'a quand même fait un peu halluciner. En fait, le livre traite avant tout, enfin dans sa première partie, hein, j'entends, de toutes sortes de paraphilies. Alors la paraphilie, qu'est-ce que c'est ? La paraphilie, il utilise le mot, hein, c'est pour ça que je vous le... Enfin non, il n'utilise pas le mot, mais en tout cas, c'est un mot que j'ai découvert en cherchant un mot que l'auteur utilise dans le livre. La paraphilie, en fait, c'est les pratiques sexuelles qui diffèrent des pratiques normales, donc tout ce qui va à l'encontre de ça. Typiquement, la Vespasienne, dont on avait parlé dans l'émission de Sébastien Rutès, où on parlait des soupeurs et de ce genre de choses, eh ben, je vous encourage, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté, à aller chercher le podcast de l'émission sur le site de Radio Dio. Toutes les émissions sont disponibles sur le site. Donc, dans la Vespasienne de Seb, après la Vespasienne de Seb Rutès, maintenant, ce dont je vais vous parler, ça va encore être un autre aspect, encore une autre paraphilie, et je me demande bien qu'est-ce que vous allez finir de penser des chroniqueurs de qui ou quoi. Alors, entre autres mots que j'ai appris, ben, par exemple, il y a l'acrotomophilie, qui consiste en fait à être attiré par les personnes handicapées. Donc, dans le livre, par exemple, un personnage qui lui a une autre paraphilie, désire absolument ressembler à un handicapé, se fait couper la jambe par le personnage principal, et sa copine est donc très excitée par le fait que son copain se soit fait couper la langue, un peu comme dans Crash de David Cronenberg. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin, pareil, en cherchant tous ces mots, j'ai fini par trouver un tableau des paraphilies sur Wikipédia. Et au final, on n'en connaît que quelques-unes, mais je vous laisserai découvrir de vous-même sur Internet les autres qui sont pas mal gratinées. Et quand je vous parlais de voyeurisme, c'est vrai que l'auteur s'est ingénié à ce que toutes ces choses qui sont décrites soient crédibles, pour que en fait tout ce qui se passe, même si on le lit, on le sait que ça existe. Et en fait tout ça est un petit peu dérangeant, parce que le livre se déroule dans un monde qui paraît presque irréel, tellement c'est glauque, tellement c'est extrême, Et pourtant, on sait que tout ce qu'il dit est documenté, tout ce qu'il dit existe, et même en n'allant pas chercher bien loin, à l'heure d'Internet, on sait que tout ça c'est vrai, et que la réalité dépasse largement la fiction, pas besoin d'aller chercher loin pour le savoir, le Darknet est là, et plein d'autres sites qui ne sont même pas sur le Darknet. Je vous avoue que j'ai pas poussé le vice jusqu'à vérifier si les noms des sites internet qu'il donne dans le livre existent vraiment, mais bon. De toute façon, ça c'est vraiment pour le côté voyeur du livre, en fait. Pour ce côté-là, on n'est pas déçu, enfin pas déçu, si tant est qu'on attend quelque chose, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment très très frontal. Et justement, en parlant de frontal, ce livre, en fait, nous confronte à notre relation vis-à-vis de ces extrêmes. En fait, et c'est très difficile dans le livre, enfin quand on lit des trucs comme ça, on doit faire face à ces côtés obscurs. Quelle est notre relation avec ces trucs? Est-ce que j'ai juste envie d'être voyeur? Est-ce qu'en fait ça m'excite un petit peu? Et en fait le fait que ce soit des pratiques extrêmes mais liées à nos pratiques sexuelles, eh ben, ça rend difficile et un peu compliqué la lecture de ce livre. Ça rend d'autant plus compliqué l'empathie vis-à-vis des personnages, parce qu'en fait tout ça prend énormément de place. Et résultat, pas d'empathie, pas d'identification, on a un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Et puis donc ça éloigne d'autant plus la compréhension qu'on pourrait avoir des motivations des personnages. Et en fait, à force d'être frontal comme ça, on risque le rejet total du livre. Sauf qu'en fait, au final, ce livre, il évolue un peu entre les deux, entre cette espèce de voyeurisme, cette confrontation, qu'est-ce que ça peut nous faire à l'intérieur. En fait, au final, le livre est un vrai équilibre entre le polar et un livre de Sade, tout simplement. Je tiens quand même à dire que moi, j'ai encore eu un peu plus de mal à rentrer dans le livre parce que j'ai eu vachement beaucoup de mal avec l'écriture. C'est un style très télégraphique. Les chapitres, en fait, la construction des chapitres sont un chapitre où un des personnages parle à la première personne et le chapitre d'après, c'est la description de ce qui se passe pour un autre personnage. En fait, il y a vraiment deux personnages importants et en fait, c'est cet aller-retour entre les deux. Et c'est vrai que rajouter un style un peu télégraphique, etc., moi, j'ai eu vraiment du mal à rentrer... j'ai du mal avec ce type d'écriture. Mais, et c'est là le plus important... En fait, entre ces deux sentiments, enfin avec tous ces sentiments contradictoires plus le fait que c'est mal écrit, je suis quand même allé au bout de cette lecture. Et qu'au final, c'est un mélange de tout ça qui justifie la lecture. Et qui donc m'encourage à vous en parler ici ce soir et ce qui me donne encore plus envie de vous encourager à essayer de le lire. Mais ça reste éprouvant. Je voulais quand même clôturer cette chronique par deux recommandations, enfin deux autres choses, deux autres œuvres qui ne sont pas de l'ordre du littéraire, mais que j'ai rattachées tout de suite à ce livre. Et puis en plus, je me suis dit que c'est des œuvres que j'aime beaucoup, ou en tout cas qui m'ont bousculé, qui m'ont interpellé, etc. Et en fait, je me suis dit que c'était une belle fenêtre pour en parler, parce que c'est pas des trucs dont on parle souvent. Ce sont des vieux films qui ont un lien avec le SM. Le premier, c'est un film que j'aime énormément, qui s'appelle Six, The Life and Death of Bob Flanagan, de Kirby Dick, qui est en fait un artiste qui avait la mucoviscidose. Il est décédé depuis, et en fait, la mucoviscidose, il était parti du principe, son geste artistique, c'était la mucoviscidose. Ça me fait mal, ça m'empêche de respirer. Donc en fait, j'ai pas choisi de l'avoir, mais par contre, j'ai choisi ce que je veux en faire de cette douleur. Et à partir de ce postulat, il a créé tout son travail, toute sa vie et toutes ses œuvres artistiques autour de la douleur et du SM. On peut le voir dans un clip de Nine Inch Nails des années 90 qui s'appelle Slavery, je crois, Happiness and Slavery. Et en fait, il y a tout un film qui raconte sa vie. Allez, le film a été tourné sur la fin de sa vie. C'est très, très, très intéressant, très, très, très, très, très fort. Et ça permet, en fait, d'éclairer différemment les personnes qui pratiquent le SM. Et je trouvais que c'était un bon complément de ce livre, L'Ikaya de Dehoa. Et un dernier film dont je vais parler beaucoup plus rapidement, qui s'appelle Sous-sol de Ulrich Seidel, où là, en fait, c'est un Autrichien. En Autriche, apparemment, il y a une grande tradition d'aménager sa cave. Et en fait, c'est un documentaire sur les caves des Allemands. Et entre les Allemands qui sont nostalgiques du Troisième Reich et ceux qui ont des grosses pratiques SM, encore un autre éclairage sur le SM. En attendant, je ne sais vraiment pas par quel bout commencer, mais commencer par l'Ikaya. C'est un peu éprouvant, enfin faites-vous votre avis, parce que ça vaut le coup tout simplement. C'était Violence conjugale avec le morceau Violence conjugale, justement. On est de retour dans Qui ou quoi, l'émission qui parle, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 892. On continue dès par la suite, dans la suite de l'émission. On va ouvrir la bédothèque idéale de Qui ou quoi. Et pour rajouter des livres dans cette bédothèque, on va continuer d'analyser les différents palmarès d'Angoulême. Après, moi, ce que j'aime chez les monstres, c'est d'Émile Ferris dans la dernière émission, dont Vincent nous a parlé, qui était le meilleur album de l'année 2019. Eh ben écoutez, on va parler du meilleur album de 2018. Ça s'appelait La saga de Grimr, ou Grimr, de Jérémy Moreau. Et je l'ai enfin lu, et qu'est-ce que ça vaut ? Alors, La saga de Grimr de Jérémy Moreau, c'était sorti chez Delcourt en fin 2017, en septembre, je crois, un truc comme ça. L'histoire, qu'est-ce que c'est ? L'histoire, ça se passe en Islande, au 18e siècle, en 1783. Et c'est l'histoire de Grimr, un petit garçon au tout début du livre. Petit garçon dont la famille va mourir dans une coulée de lave suite à une éruption en Islande. Et puis suite à ce drame, il va être recueilli et élevé par un homme pauvre, un conteur très très très pauvre, après moult épreuves de la vie, Grimr va finir par devenir une légende dans ce monde, dans cette Islande qui est pour le moins peu bienveillante. Petit retour sur l'auteur, donc ce Jérémy Moreau, qui est donc dessinateur de BD, entre autres, parce qu'il est aussi animateur pour des dessins animés, en fait. Et il est donc issu, j'oserais dire assez classiquement, des Gobelins, une fameuse école parisienne qui est la Rolls de l'animation pour les dessinateurs et ceux qui veulent faire de l'animation en France, mais qui justement s'exporte à la suite. Et la preuve, ce fameux Jérémy Moreau, il a travaillé pour Moi Moche et Méchant 2 quand même, et puis pour le Lorax, voilà. Donc c'est pas non plus le premier venu. Et à ses heures perdues, quand il ne travaille pas pour de fameux studios américains, il est dessinateur de BD à Valence, c'est là qu'il vit. Et il est déjà l'auteur de 5 bandes dessinées. Alors je vous les cite, même si moi je ne les ai pas lues. Il y a Le singe de Hartel Paul, que j'ai noté parce que il fait juste le dessin. Et c'est scénarisé par un monsieur qui s'appelle Lupano, qui est le scénariste des Vieux Fourneaux. Pour ceux à qui ça parle, une BD qui a énormément de succès en ce moment, dont ils ont même tiré un film. Et il est aussi l'auteur d'un diptyque qui s'appelle Max Winson, un roman graphique. Donc les deux je les ai pas lus, mais par contre j'ai lu La saga de Grimr. Alors, que dire de cette saga ? Donc, ça se passe déjà, ça se passe dans un monde inconnu et fascinant, donc l'Islande. Et une des premières choses à noter, c'est la qualité de la reproduction de ce monde, en fait. Ce monde qui est dur, froid et beau, enfin en tout cas, c'est ce que j'en perçois. Et en fait, ce monde est parfaitement retranscrit par le dessin, mais ça, bon, j'y reviendrai. Donc, je vais essayer de vous parler de tout ce qui est la toile de fond de cette bande dessinée, donc un monde dur, mais qui est extrêmement bien décrit, parce que là encore, un peu comme le livre précédent, c'est extrêmement bien documenté. Enfin, non, du moins, c'est l'impression qu'on en a, et puis j'ai lu quelques interviews où il expliquait un peu d'où venait sa documentation, donc effectivement, c'est bien documenté. Par exemple, à cette époque-là, en 1783, l'Islande était sous domination danoise, et donc c'était en fait une colonie. Et puis le livre s'inscrit aussi dans tout un truc de tradition de saga islandaise. En fait, en 1300-1400, l'Islande a pondu des textes qui sont des grandes sagas et qui se sont passés de génération en génération et qui sous-tendent en fait la société, enfin, et l'histoire de l'Islande. Et en fait, toutes ces choses donc, qu'on ne connaît pas, qu'on découvre dans le livre et qui est difficile de remettre en cause, tellement on sent qu'en fait, c'est comme ça, quoi. C'est ça, quoi. Et en fait, une des forces de cette BD, c'est que justement, ces histoires de sagas, entre la description historique, la description tout court du monde, en fait, on sent qu'elle s'appuie là-dessus, sur ce truc, et puis elle prend la saga à bras-le-corps, et le type de récit d'une saga, elle s'en inspire, et elle s'inscrit vraiment dans cette dynamique, quoi. Elle mélange le tout, et ça nous fait vraiment une saga. Alors, c'est vrai qu'on ne les connaît pas, ces récits, ces sagas islandaises, mais on sent que la force de cette bande dessinée, une des forces de cette bande dessinée, la saga de Grimm, c'est d'être à la hauteur de ces sagas islandaises. Je vais insister un petit peu aussi sur la force du récit, la force de la construction du récit. Tous les personnages sont réellement incarnés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage qu'on ne comprend pas, dont on ne comprend pas les ressorts psychologiques et toutes les actions. Les ressorts psychologiques, les états émotionnels, etc. Si le personnage principal est en colère, on comprend pourquoi il est en colère. S'il est amoureux ou s'il subit une injustice, ça nous prend au bide ou des choses comme ça. Et en fait, ça fait qu'il y a l'empathie et surtout la compréhension fonctionne à mort. Et ça rend le récit vraiment très très fort et touchant. Pour finir cette petite chronique un peu dithyrambique, je trouve, mais bon, c'est vraiment ce que j'en ai pensé, je vais revenir sur le dessin dont je vous ai parlé au début, qui dessinait extrêmement bien l'Islande. En fait, c'est, pour vous donner une idée, c'est un dessin à l'aquarelle. En fait, Jérémy Moreau, il dessine un storyboard de la bande dessinée avec des dessins pas au crayon parce qu'il le fait à l'ordinateur, mais en tout cas les traits, les contours. Et derrière, il refait par-dessus, il redessine, il peint à l'aquarelle au-dessus de ce storyboard dessiné. Et en fait, je ne suis pas dessinateur, hein, mais j'en ai compris toujours à travers des interviews qu'en fait, la difficulté de l'aquarelle, c'est qu'une fois que c'est... On n'a droit qu'à un seul essai, on n'a pas droit à deux essais. L'acrylique, ah bah si le jaune il n'est pas bien jaune, on peut en rajouter, ou on peut en enlever, ou rajouter un peu une autre couleur. L'aquarelle, ça, c'est pas possible. C'est une fois, et c'est comme ça. Dans une interview sur France Culture que vous pouvez écouter en podcast quand vous aurez fini d'écouter tous les autres podcasts de Radio Dio qui sont disponibles sur le site, je vous encourage à aller voir, vous pouvez toujours écouter une petite interview de 20 minutes de Jérémy Moreau qui est encore disponible et qui évoque justement un truc que je trouve assez rigolo et que j'ai envie de vous relayer ici, c'est que justement ce truc de pas avoir d'essai, et ben en fait ça l'obligeait à être vraiment efficace par rapport à l'ordinateur. Ou quand lui, il dessinait à l'ordinateur, en fait, il perdait du temps à revenir toujours sur le truc en essayant de changer les trucs sur Photoshop, etc. Et que là, l'aquarelle l'obligeait à être bon du premier coup et donc plus concentré. Et en fait, je trouve ça assez intéressant comme réflexion. Voilà, ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'est intéressant. En tout cas, cette aquarelle rend le dessin très stylisé et correspond vraiment bien à tout ce qui s'y passe, quoi. Donc, une fois de plus, c'est un presque sans faute. Pour conclure, donc, vous l'aurez compris, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est une très très belle bande dessinée. Je suis en plus très content de l'avoir découverte. Ben, peut-être qu'avec un an de retard, mais grâce au palmarès d'Angoulême, qui en général est souvent critiqué, les gens ils trouvent que c'est pas terrible, et puis des fois les BD passent à la hasse, etc. Et c'est toujours bien de lire les choses un petit peu avec du recul, et puis en se nettoyant la tête de tout ce qui avait pu être dit après, pendant, machin. Et en fait, je me rends compte que dernièrement, le palmarès d'Angoulême, il est plutôt pas mal, quoi. Entre la BD d'Émile Ferris, dont Vincent nous a parlé la semaine dernière, qui est quand même quelque chose, bon, dans celui-là, la saga de Grimm, on n'est pas du tout sur la même démarche. C'est peut-être un peu moins ambitieux, un peu moins personnel, ça s'inscrit plus dans une tradition de BD classique. un petit peu grand public, mais justement dans ce cadre-là, eh ben, c'est un très beau livre. Je suis content de l'avoir découvert et je vous encourage vraiment à le lire, comme ça je serai encore plus content d'avoir continué le relais et d'avoir fait connaître ce livre. Tout de suite, une deuxième pause musicale avec vous, je vous le donne en mille, un groupe islandais. We'll be right back. le groupe Foufanou avec le morceau Sport. Quelques mots avant de conclure cette émission qui est commencée sous des auspices un peu bizarres d'incidents techniques, mais qui va bientôt se finir. C'était donc Qui ou quoi, l'émission qui vous parle de bouquins sur Radio Dio un jeudi sur deux. Pour mémoire, j'ai parlé de deux livres ce soir. Je vous ai parlé de deux livres, L'Icaïa de D.O.A. À la série noire chez Gallimard et de la saga de Grimr ou de Grimr, je ne sais vraiment toujours pas comment il faut le dire, chez Delcourt et par de Jérémy Moreau. On se retrouve donc nous dans deux semaines, la semaine prochaine à la même heure ce sera Radio Gaga. Nous on sera dans deux semaines peut-être avec mon compère Vincent, mais je crois qu'il va retourner à Phuket justement. Et il a décidé de retourner en vacances en Thaïlande, mais bon, au pire, de toute façon, je serai là. Je voulais aussi vous compléter, le comité d'écoute Saint-Pourcinois m'a fait remarquer que Céline avait dit qu'il fallait écrire télégraphique. Je vais vous faire la citation. La citation, c'est « Vous écrirez télégraphique ou vous n'écrirez plus du tout ». Donc DOA a bien retenu cette phrase pour écrire son livre. Vous signalez aussi que toujours ce même comité m'a fait remarquer que DOA, c'était également un remake. Enfin, le film dont j'avais parlé tout à l'heure, DOA Mort à l'arrivée, avait été remaké dans les années 80 avec un film de Dennis Quaid que j'ai vu d'ailleurs et que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'ai jamais vu l'original, mais j'ai vu le remake, moi aussi, comme le comité. Et donc on se retrouve dans deux semaines avec Vincent. Moi, je pense que je sais déjà de quoi je vais vous parler. J'ai vu le film The Dirt sur Netflix, donc je pense que je vais être obligé de vous parler du livre parce que c'est inadmissible. En attendant, merci d'avoir écouté cette émission. Tout à l'heure, peut-être, comme à la radio Dio, je vous laisse en attendant avec un peu de musique. Bonne soirée et à bientôt.